Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Dixième et dernier épisode. Le miracle de Milly. Mathilde a fini par décoder le message que Benoît Notre-Dame, alias cet homme, avait caché dans sa dernière lettre. Elle a ainsi pu le retrouver dans une ferme perdue au fin fond de la campagne, dans la région de la Brie, où lui et sa famille ont trouvé refuge. Notre-Dame a raconté à Mathilde comment il avait réussi à se sortir de l'enfer de Bingo Crépuscule en janvier 1917 en échangeant ses vêtements et sa plaque militaire avec ceux de Benjamin Gordes, mort sous ses yeux. Il lui a aussi affirmé qu'il avait sauvé Manèche, blessé et fiévreux, en le portant jusqu'à un poste médical. Comme lui-même a dû changer d'identité pour pouvoir continuer à vivre, il a fait évacuer Manèche sous un autre nom, celui de Jean Desrochelles. Pourquoi êtes-vous venu vous réfugier ici ? Je connaissais déjà le coin. Quand j'avais 12 ans, l'assistance m'a placé 6 mois chez un cultivateur de Bernay. Il est mort aujourd'hui. J'avais souvent parlé à Mariette du bonheur que j'avais eu ici, de mon envie de retrouver ces champs où les blés sont plus beaux que partout ailleurs, et les tournesols si grands que les enfants s'y perdent. C'est pourquoi elle n'a pas eu de mal à déchiffrer votre message ? Oui. En mars 17, comme je lui avais dit dans ma lettre, elle a vendu notre ferme en Dordogne et elle est venue à Bernay avec notre fils. Arrête de te cacher, Titou, j'ai vu que t'étais là. C'est un coquin. Ça oui, il a de qui tenir. Vous voyez, mademoiselle, mon nom est aujourd'hui Benjamin Gordes, le régisseur de la veuve Notre-Dame. Mais Titou sait bien, par toutes les fibres de sa chair, qu'il est mon fils. J'attendrai encore. J'attendrai, tant qu'il le faudra. Que cette guerre dans toutes les têtes devienne ce qu'elle a toujours été. La plus immonde, la plus cruelle et la plus inutile de toutes les conneries. J'attendrai que les drapeaux ne se dressent plus en novembre, devant les monuments aux morts. Et que les pauvres couillons du front cessent de se rassembler, avec leur putain de béret sur la tête, un bras ou une jambe en moins. Pour fêter quoi, bon Dieu ? Dans la musette du caporal, avec son livret militaire et ses papiers, j'ai trouvé des photographies. Elles m'ont servi à rien, sauf à le plaindre encore plus. Une surtout, où j'ai vu ses 5 enfants, garçons et filles. Il avait même écrit les noms derrière, comme s'il avait peur de les oublier. Frédéric, Martine, Georges... George, Noémie, Hélène. Et puis je me suis dit que le temps va, que la vie était assez forte pour les porter sur son dos. Je crois qu'il est temps que je vous rende à vos champs. Merci beaucoup. Mathilde ! Mademoiselle, oui ? Je peux vous faire confiance, hein ? Vous n'irez pas me dénoncer. Je n'ai jamais dénoncé personne. Et ce que vous êtes devenu après Bingo vous regarde. Je suis heureuse que vous ayez pu réchapper à tout ça. Si vous devez revoir le bleu et vivant, et qu'il a perdu le souvenir des mauvais jours, ne les lui rappelez pas. Ayez de nouveaux souvenirs avec lui, comme moi avec Mariette. Un nom, je peux vous le dire, ça ne représente rien. On m'a donné le mien au hasard, j'ai repris par hasard celui d'un autre. Et le Bleuet, comme Benoît Notre-Dame, est mort à Bingo Crépuscule, un dimanche de janvier. Si vous retrouviez un jour quelque part un Jean Desrochelles, j'en serais plus heureux que vous ne pouvez le croire. Écrivez-le moi alors. Rappelez-vous une adresse qui n'est qu'à cet homme. J'habite près de Bernay, en Seine-et-Marne. J'habite... Le bout du monde. Au revoir. Au revoir. Le 1er septembre 1924, de retour à Cap-Breton, Mathilde reçut un premier télégramme de Germain Pire, posté de Saintes. Effet chou blanc comme vous espériez. Stop. Me rends à Melun. Stop. À suivre. Le lendemain, c'est un colis que le facteur apporta. Il avait été envoyé par Hyacinthe Després, le manchot du cabaret rouge et ancien propriétaire du terrain de bingo. Madame, j'ai revu votre ami Célestin Pou. Il s'est arrêté une nuit à mon auberge en allant en Belgique. Ce qu'il allait faire là-bas, il ne me l'a pas dit. Mais j'étais bien content de le revoir. C'est lui qui m'a convaincu de vous envoyer ce bout de bois que j'ai trouvé dans le grenier d'une dame. Il pensait que cela vous ferait plaisir. J'espère qu'il ne s'est pas trompé. Bien à vous. Hyacinthe Després. L'objet qui accompagnait la lettre était la pancarte en bois de Bingo Crépuscule. Elle avait été peinte et repeinte, délavée par la pluie, meurtrie par les intempéries, si bien que l'inscription était devenue quasiment illisible. C-U-L Bing... Eh bien, en voilà un vrai poème dadaïste. L'autre côté était l'œuvre d'un anonyme, un soldat obscur de ce qu'on appelle la Grande Guerre, probablement pour faire croire qu'il en existe aussi de petites. C'était une peinture à l'huile, jaunie, représentant un officier britannique en profil perdu, avec des bottes de cavalier cirées nickel, une casquette sur la tête, une badine entre ses mains croisées dans le dos. Sur la droite, on voyait un soleil rougeoyant sur l'horizon. Dans le bas du tableau, une légende était écrite en lettres noires et fines. « Lieutenant général Being au crépuscule 1916 ». Mathilde alla aussitôt fouiller dans sa pile de petits journaux illustrés qu'elle conservait depuis la guerre. Dans un numéro d'août 1921, à la page des actualités en images, elle reconnut sur une photo la silhouette élégante de l'officier. « Julian Edworth George Being » est l'homme qui a conduit en 1917, avec les divisions canadiennes, l'offensive victorieuse de Vimy. C'est lui aussi qui, à la tête de ses chars, a remporté la bataille décisive de Cambrai en 1918. Il vient d'être nommé gouverneur général du Canada. Sylvain ! Sylvain, je sais qui est Bing ! Le second télégramme de Germain Pire arriva le 4 septembre, vers 3 heures de l'après-midi. Il était posté cette fois-ci de Milly-la-Forêt, à 50 km de Paris. Il est vivant. Stop. Ne bougez pas, Mathilde. Surtout ne bougez pas. Stop. Je viens. Stop. Ah, mademoiselle Mathilde, c'est une pauvre histoire. Sans doute la plus insensée que mon métier m'a donné d'entendre. Et j'ai bientôt 60 ans, alors vous vous rendez compte? Mais racontez, enfin, qu'avez-vous trouvé? Je reviens de Milly-la-Forêt. J'ai vu votre fiancé. Manèche? Oui, il s'appelle maintenant Jean Desrochelles. Continuez. J'ai vu aussi sa mère, enfin, celle qui se dit sa mère, Juliette Desrochelles. Elle est complètement minée par la peur qu'elle a de vous, au point d'en être malade. De moi? Mais... Attendez, mademoiselle, laissez-moi vous expliquer. Il va vous falloir être forte, mais je sais que vous l'êtes. Le lundi 8 janvier 1917, au matin, un soldat portant une plaque militaire au nom de Jean Desrochelles a été amené au poste médical de Combles par l'un de ses camarades. Je n'ai malheureusement pas réussi à savoir le nom de cet homme, mais je peux vous dire qu'il me réconcilie avec mes semblables. Bref, depuis ce jour, l'amnésie de Jean Desrochelles, enfin de Manèche, est totale, absolue. On a même dû lui réapprendre à parler. Ce n'est pas possible. Les psychiatres qui l'ont suivi depuis 1917 laissent peu d'espoir, mais ils sont bien placés pour savoir qu'il y a autant d'amnésie que d'amnésiques. Aussi, aucun n'ose se prononcer véritablement. Mais comment a-t-elle pu ? Juliette Desrochelles tenait une petite librairie à Saintes, en Charente-Maritime. C'est pour dissimuler son effroyable mensonge qu'elle a dû s'éloigner de cette ville et qu'elle est allée s'installer avec Manèche à Noisy-sur-École, aux portes de Milly-la-Forêt, en 1918. Et Manèche, vous l'avez vu ? Oui, et je peux vous assurer qu'il est, autant qu'on peut le dire en pareil cas, en excellente santé. C'est un garçon de 29 ans pour l'état civil, de 26 ans en réalité, brun de cheveux, grand, mince. Et ses yeux ? Ses yeux ? Vous avez vu ses yeux ? Ses yeux m'ont bouleversé, comme ils bouleversent tous ceux qu'ils rencontrent. Ils sont d'une couleur étrange, changeante, oscillant entre le gris et le bleu. C'est lui. Et bien qu'il soit beau et vif, et même gai par moments, il y a, comment dire, comme une âme massacrée au fond de ses prunelles. On la voit là, toute nue. Une âme massacrée qui appelle au secours. Mademoiselle Mathilde, la pauvre histoire de Juliette Desrochelles, permettez-moi de le dire, est malgré sa folie d'une simplicité implacable. Elle a eu son fils unique à 40 ans. Pendant sa grossesse, son mari meurt, renversé par une voiture à cheval devant sa librairie. Alors cette veuve doit élever seule son fils, un garçon intelligent, affectueux, docile, qui fait de bonnes études, et qui, dès qu'il est bachelier à 17 ans, commence à l'aider à la librairie. 3 ans plus tard, en 1915, il est mobilisé. Il revient pour une permission en novembre 1916, mais elle ne le reverra plus. Comment a-t-elle su qu'il était mort ? À la fin de janvier 1917, alors qu'elle était sans lettre de lui depuis plusieurs semaines et qu'elle hantait des bureaux où personne ne pouvait la renseigner, un permissionnaire de Tours est venu la voir. Avant même de revoir les siens, il était resté dans son train jusqu'à Saintes pour lui porter la terrible nouvelle. C'était le caporal Urbain Chardolot. Voilà. Il avait serré dans ses bras Jean Desrochelles, étendu mort devant une tranchée de la Somme. Il a remis à sa mère sa dernière lettre, écrite avant les combats qui allaient le tuer. Dans cette lettre, Jean disait son dégoût de la guerre. Mais ce qu'il ne disait pas, et qu'Urbain Chardolot ne pouvait cacher à la pauvre femme, c'était le sort des 5 soldats mutilés volontaires qu'on avait jetés à la tranchée ennemie. Mais comment ? Comment est-ce arrivé ? Après le plus gros des combats, le dimanche 7 janvier, le caporal Benjamin Gordes a voulu retourner en arrière pour voir s'il pouvait encore sauver des blessés. Il a demandé à votre fils de l'accompagner. Ils ont dû être pris en traître par un obus isolé. Mais pourquoi lui ? Pourquoi ? Urbain Chardolot est resté tout le jour avec elle, ne pouvant se résoudre à la laisser seule avec son chagrin. À la fin, il a fini par lui dire la vérité. C'était le plus jeune des condamnés. Manèche, quelque chose. Un nom basque, je crois. Je ne sais pas comment il a fait, en restant tout ce temps dans la neige avec sa blessure, mais il a survécu. Il a échangé sa plaque matricule avec celle de Jeannot et il a réussi à se faire évacuer. Quoi ? Quelqu'un a pris l'identité de mon fils ? Madame, je sais bien que c'est insensé. Que cela n'aurait jamais dû arriver, mais moi-même, en dépit de mon grade, je n'ai rien dit. J'étais si écœuré. Et puis, de toute manière, puisque Jean, on ne peut plus le faire revenir, autant que sa mort serve à en sauver un autre. Quand Juliette Desrochelles a été appelée dans un hôpital militaire de Châteaudun pour y reconnaître son fils, Jean, en avril, eh bien, une sœur infirmière l'a conduite dans une grande salle où les blessés étaient séparés par des rideaux blancs. Et ? Eh bien, elle l'a laissé là, assis sur une chaise, à côté du lit où un autre Jean que le sien dormait. Bonjour. Vous êtes qui ? Je suis ta maman. Quand Manèche a ouvert les yeux, ses yeux bleu-gris pétillants de jeunesse et troués par l'abîme, elle avait déjà passé une bonne heure à le regarder dormir, à l'aimer déjà. En tout cas, il était devenu une raison de continuer de vivre. Je sais bien, Mathilde, que vous ne pouvez que vous insurger contre un acte qui vous a privé d'espérance, qui a tué de chagrin une autre mère et poussé un père dans le lac d'Osgore. Comme le disent si souvent nos gouvernants pour s'épargner d'expliquer ce qui les dépasse, les choses sont ainsi. Mais réfléchissez bien. Si vous souhaitez protester, si vous ameutez les familles et la justice, Manèche, qui est aujourd'hui heureux et confiant, attaché depuis 7 ans à cette femme, finira ses jours dans un asile de fous. Juliette Desrochelles en crèvera, elle aussi. Et malgré son mensonge ou même son égoïsme, elle ne le mérite pas. Elle a tout abandonné pour se consacrer à lui. Tout vendu, quitté Sainte et des parents, des amis qu'elle ne peut plus voir de peur d'être démasquée. Où je peux rencontrer cette Juliette Desrochelles ? Oh, quelle impatience ! Elle habite une petite maison avec un joli jardin près de Milly-la-Forêt. Je vous y conduirai quand vous voudrez. Tout de suite. Je veux y aller tout de suite. Attendez un peu d'abord. Prenez le temps de réfléchir. Laissez passer les jours et oubliez vos rancœurs. Laissez la vie refermer vos blessures. Vos fiançailles ont duré si longtemps qu'elles peuvent bien durer encore un peu, non? Tenez, voici quelques mots que Juliette Desrochers l'a tenu elle-même à vous écrire. Vous en reconnaîtrez l'écriture. C'est bien elle qui vous avait envoyé cette lettre anonyme annonçant la mort de Célestin Pou. Oui. Elle est même allée la poster à Melun pour brouiller les pistes. Elle avait été bouleversée en découvrant votre annonce sur une feuille de journal qui enveloppait la laitue qu'elle venait d'acheter. Elle espérait ainsi vous décourager. Ne me le prenez pas. Je vous en supplie, ne me le prenez pas. On en mourrait tous les deux. Eh bien, elle s'est mis le doigt dans l'œil. Je sais bien, Mathilde, que rien ni personne ne vous a jamais arrêté et que rien ni personne ne le pourra tant que vous serez vivante. Exactement. Mais elle ne connaissait pas encore votre opiniâtreté. Juste une dernière chose. Juliette Desrochers m'a raconté que lorsqu'il était en convalescence à Cambo-les-Bains en 1918, Manèche a commencé à s'intéresser à la peinture. J'ai vu quelques-unes de ses toiles dans la petite maison de Milly-la-Forêt. Tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'elles sont d'une abstraction totale, des explosions de couleurs. Mais elle crie formidablement toutes ces choses terribles et démontées, comme la mer de novembre qu'on voit au fond de ses yeux. Je verrai ça quand vous m'emmènerez là-bas. Très bien. Au revoir, mademoiselle Mathilde. Merci, monsieur Pierre. Manèche. Mathilde a d'abord tenu à faire une escale à Paris chez ses parents. Papa, j'ai une question à te poser. Je t'écoute, Mathilde. Papa, étant donné la situation, qu'est-ce que tu dirais si j'avais besoin d'aller habiter quelque part près de Milly-la-Forêt? Il faudrait trouver une maison à louer ou à vendre et quelqu'un pour s'occuper de moi, de bon caractère de préférence, parce que Sylvain devra bien retourner à Cap-Breton. Ma petite Mathie, c'est très gentil à toi de me poser la question, mais je te connais tout de même un peu. Je sais très bien que si tu as une idée en tête, personne ne pourra t'en détourner. Pas même moi. Merci, papa. Pour le grand jour, Mathilde s'est parée en vraie femme, du mieux qu'elle a pu. En blanc pour faire fraîche, avec un peu de rouge aux lèvres, les dents éclatantes, les sourcils faits, mais surtout pas de noir pour allonger les cils, parce qu'on sait ce que cela donne quand on craque. C'est ici que je vous laisse, mademoiselle Mathilde. Sachez que je serai toujours votre admirateur le plus acharné, le plus fidèle et le plus aimant. Merci, monsieur Pierre. La maison de Juliette Desrochers était située tout près de là, sous les arbres. Elle était en pierre grise, avec un toit de tuiles plates, un petit jardin devant et un autre plus grand derrière. Il y avait beaucoup de fleurs. Écoutez, oublions tout ça. Je n'ai pas envie de me disputer avec ma future belle-mère. Mais mademoiselle, vous me parlez d'un passé... Non, pas mademoiselle. Appelez-moi Mathilde. Ce sera plus simple pour tout le monde. Vous l'avez prévenue de ma visite? Je lui ai dit qu'une jeune fille qu'il avait beaucoup aimée allait venir le voir. Comment a-t-il réagi? Il a demandé votre nom. Et quand je le lui ai dit, il a répondu qu'il le trouvait beau. Cela vous ennuierait de me pousser jusqu'à lui? Ah non, non, il est dans le jardin en train de peindre. Merci. Manèche se tenait au milieu du jardin, les pinceaux à la main devant une toile. Il avait les cheveux noirs et bouclés. Il lui apparut plus grand que dans son souvenir. Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Je crois que j'ai bien fait de ne pas me mettre du noir sur les cils. Salut. Salut. Salut. Tu peux pas marcher ? Tu peux pas marcher ? Moi, je peux être ton amie si tu veux. Je pourrais te balader sur mon dos. Je pourrais même t'apprendre à nager. Tu veux voir ce que je fais ? Oui. Je te montrerai tout à l'heure, mais pas tout de suite, c'est pas encore fini. D'accord. Tu aimes les couleurs ? Oui, j'aime bien. Moi, celle que je préfère, c'est le rouge et le bleu. Tu peux attendre jusqu'à ce que j'ai fini ? Je peux attendre, oui. Je peux attendre. Je peux attendre. Je peux attendre. Bien des années plus tard, au début du mois de janvier 1965, Mathilde reçut un mot d'Hélène, la fille d'Élodie Gordes, qui était devenue son amie, comme ses frères et sœurs, comme Baptistin Notre-Dame et comme les deux filles de Sissou. Hélène, qui était devenue professeure de lycée, lui adressait la photocopie de la page 79 d'un livre paru à l'automne précédent, « Les cahiers secrets de la Grande Guerre » du maréchal Fayol. Le dernier paragraphe, à la date du 25 janvier 1915, était encadré au feutre rouge. Réunion à Aubigny. Des 40 soldats d'une unité voisine qui se sont mutilés à une main avec un coup de fusil. Pétain voulait en faire fusiller 25. Aujourd'hui, il recule. Il donne l'ordre de les lier et de les jeter de l'autre côté du parapet aux tranchées les plus rapprochées de l'ennemi. Ils y passeront la nuit. Il n'a pas dit si on les laisserait mourir de faim. Caractère, énergie, où finit le caractère et où commence la férocité, la sauvagerie. Tu es bien comme ça ? Je suis mieux que dans un palace. J'ai étalé des filets par terre pour que ce soit plus confortable. Merci. C'est toi qui as installé toutes ces bougies ? Qui d'autre ? Tu entends ce silence ? Oui. Même les bécassos sont partis. C'est comme si le temps s'était arrêté une nouvelle fois. Comme si nous étions seuls au monde. Et cela pourrait durer et durer et durer. Toute la vie. Plus que la vie. Des siècles. L'éternité même. L'éternité ? Manège ? C'est un cadeau qui nous est fait. Par celui d'en haut, s'il existe, ou peu importe qui. Ce moment, il est pour toi et moi, et pour nous seuls. Et quoi qu'il puisse arriver à l'avenir, personne, personne ne pourra nous le reprendre. Tu comprends ? Quoi qu'il arrive, je te jure que personne ne nous le reprendra, Mathilde. C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Dixième et dernier épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Florent Houlier, Cet homme, Benoît Notre-Dame, Olivier Broche, Germain Pire, Clément Laguarde, Manèche, Nicolas Gonzalez, le caporal Urbain Chardelot, Vincent Schmitt, le père de Mathilde, Nita Klein, Juliette Desrochelles, Alexandre Aubry, Le Manchot, Éric Aymon, le maréchal Fayol, et bien d'autres. Bruitage. Bertrand Amiel. Équipe de réalisation. Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël.